La maison d'édition Près le Parti du Travail de Corée a fait paraître le tome 17 des œuvres complètes de Kim Jong-il, collection intégrale des immortelles idées du Juche et de l'idée du Sun-gun, par ordre chronologique et de façon systématique. Le tome contient 92 œuvres classiques comme les entretiens, discours et conclusions historiques publiés depuis le mois de janvier jusqu'au mois de mai de l'an 61 du Juche 1972.